Quel que soit le rire va s'échaîner, nanana. On tombe tous en mitraille, nanana. Pourquoi tout cela, je te le jure. Alors comment écoute cette musique. Tu te feras penser à tous ces gens qui sont morts pour ça, ah là là. Mais qu'est-ce que c'est triste. Mais c'est comme ça, et la vie comme se déroule comme cela. Qu'est-ce que tu peux lui faire, c'est la vie. Alors crois-moi, profite au maximum avant que tu perds tous les gens qui te font faire. Tu es la base de chez nous. Beaucoup de gens sont morts en te prenant dessus. C'est vraiment triste, c'est vraiment, vraiment triste. Mais bon, faudra faire avec. C'est pas ta faute, dis ça, on est d'accord. Mais bon, vous avez qu'à faire attention. Et ainsi, des gens moururent en se faisant sur une vague déchaînée. Personne ne sait pourquoi le fait ainsi. Mais les caprices de la nature, qu'est-ce qui peut être incroyable. La nature, pourquoi tu donc crées des vagues si immenses. Sur la vague déchaînée, il y a des surfeurs qui se cassent la tête. Et bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça et puis c'est tout. Sur la vague déchaînée, les surfeurs tombent dans des espèces de trous. Nanana. Ils passent à travers et après c'est noir dans un bobinage qui prend. Sur la vague déchaînée, il y a des cadavres partout, mais on les voit pas, ils sont sous la mer, mais bon, c'est comme ça. Il y a la déchaînée, il y a beaucoup de gens qui sont morts. C'est triste, vraiment triste. Et pas beaucoup qui le regretteront, à part c'est de leur famille. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu peux y faire. Tu n'avais qu'à leur dire, ne fais pas ça s'il te plaît, tu risques de mourir. Alors, que sont en vie, ils s'en foutent pas mal de ce bon que j'en ai fait. Et bon, c'est comme ça. De la vague de chez nous, il y a beaucoup de morts incidentaires, le réel va donc savoir. La vague, c'est un mythique, qu'est-ce que tu veux. À Hawaï, on a les plus grosses, et c'est là où il y a des requins aussi. Moi, pour moi, la vague de chez nous, ça rime avec l'eau assurée. La vague de chez nous a donc fini par emporter le cœur des gens. Mais bon. Yeah.